this sweet to you. Cool. Salut tout le monde, c'est reparti. Une nouvelle saga des Fab Four enregistrée à la maison. Une saga des Fab Four Home Recording numéro 14. Home Recording 14, pour vous prouver que je suis capable de le dire en anglais en entier. Avec pour album de la semaine Ringo Starr. Et cet album, le dernier album sorti pour l'instant, l'album What's My Name, on écoutera. It's not love that you want, Magic, Money, Better Days, à la chanson de Springsteen, hein, une autre, Thank God for Music, et What's My Name, forcément. Il y aura aussi du Harrison, du Lennon, du McCartney et des Beatles. Pour Harrison, ce sera Sue Me, Sue You Blues, sur l'album Living in a Material World de 1973. Pour Lennon, ce sera Cripple Inside, sur l'album Gimme Some Truth Deluxe sorti en 2020, parce que je vais vous proposer la prise numéro 6 avec un solo de guitare différent. Vous écouterez. Si vous connaissez la chanson, vous entendrez bien que le solo est différent. Pour m'incarner, ce sera Bebop sur l'album Wild Life en 1971. Quant aux Beatles, ils nous chanteront ce superbe titre Here, There and Everywhere. Pour le reste, eh bien, vous le découvrirez au fur et à mesure. Est-ce qu'on va dépasser les 2 heures? C'est possible. C'est pas sûr, mais c'est possible. Puisque c'est enregistré, on se permet un petit peu d'être un peu plus long. Et puis c'est comme ça, voilà. J'espère que vous allez bien. J'enregistre cette saga un petit peu avant le mercredi 18 novembre. Mais je vous invite, si vous l'avez déjà téléchargé, à ne l'ouvrir qu'à 20h. De façon à commencer ensemble et à commenter ensemble sur la page Facebook de l'émission, la page La Saga des Fab Four. Voilà pour tout. Le générique va s'arrêter, donc je vais vous proposer de commencer avec Ringo Starr, It's Not Love That You Want. C'est dans quelques secondes. C'est sur RIG en temps normal. Là, c'est fait à la maison. C'est La Saga des Fab Four 472C. C'est pour confiner. Ringo Starr maintenant. Never. grâce au livre nouvellement acquis, un livre écrit par Dominique Grandfils qui s'appelle Ringo le survivant, aux éditions Camus en blanc, que je vous suggère d'acheter pour Noël parce qu'il est vraiment très très intéressant, eh bien j'ai des anecdotes à vous dire sur cet album What's My Name. Et il y a un point commun entre Ringo et moi. Écoutez bien, il est temps de commencer les sessions pour un nouveau disque. Ringo ne souhaite plus retourner dans un studio traditionnel et se retrouver coincé derrière une vitre. Il préfère travailler chez lui, et oui, comme moi là actuellement, pour la saga des Fab Four. Il préfère travailler chez lui comme il le fait depuis plusieurs années. Alors moi, ça fait pas plusieurs années, c'est juste quand on est confiné, mais qu'est-ce que vous voulez, hein ? On a un point commun, Ringo et moi. C'est bénéfique à sa musique, et surtout à lui-même. Joe Walsh s'est souvenu d'un dîner avec son beau-frère, et Jim Kelter et Klaus Voormann. Toujours adepte de formules peu banales, Richard, donc Ringo, a dit « You gotta get up to get down », tu dois te lever pour descendre. Il a tout de suite compris que c'était un bon titre, ça ferait un bon morceau. Ce sera le premier enregistrement de cette production avec Nathan East à la basse et Edgar Winter au clavier. Walsh assure la guitare et les parties vocales rappées. Berk. La voix de Ringo est filtrée par Autotune. Ça, c'est affreux. Un logiciel permettant aux piètres chanteurs de réaliser des chants corrects. L'ex-Beatles n'en a pas besoin, mais il se laisse tenter comme Paul McCartney, hélas, sur des chansons bonus de son premier opus Egypt Station. Notamment, il l'a fait pour Get Enough, Can't Get Enough, qui est une chanson que je n'ai passée qu'une ou deux fois. C'est horrible. Paul McCartney, Ringo Starr, ne faites pas ça. Et surtout, donc, Ringo l'a fait pour la première chanson. Et il a fait, hélas, pour sa reprise de Money, un résultat très discutable parce que, franchement, c'est pas bon. Je pense que je vous le passerai, je ne sais plus si je l'ai annoncé. Oui, je le passerai. Rien que pour vous montrer que l'autotune, c'est très regrettable quand on a une voix normale, quand on sait chanter. Et n'allez pas là-dedans, les gars, parce que c'est vraiment horrible. Bien, Colin Hay, qui joue de la guitare au sein du All-Star Band, s'est inspiré de la façon dont Starkey appelle son public pendant les concerts. Il leur lance « What's my name ?»« Quel est mon nom ?» Et l'audience hurle « Ringo !» Colin a donc écrit « What's my name ?» qui bénéficie de la guitare de Steve Lutaker et de la basse de Nathan East. Le titre donnera son nom à l'album. Ringo reprend « Grow old with me » de Lennon. Quand John a enregistré une démo de ce titre pendant un séjour aux Bermudes, il avait dit que ce serait parfait pour Ringo. Ces paroles se trouvent sur le CD que Jack Douglas, le producteur du dernier 33 tours de Lennon, Double Fantasy, lui a apporté. Douglas vient arranger les cordes et glisse un riff de guitare de George Harrison. Paul McCartney vient jouer de la basse pour ce moment particulièrement touchant. Pour Ringo, réunir ses trois grands amis sur ce titre est très émouvant. Voilà ce qu'on va dire pour l'instant. Et la suite de la saga, eh bien, c'est maintenant avec George Harrison, puis Paul McCartney. The Fabulous Four Saga, right here on your radio with the Regale. McCartney en 1971 sur l'album Wild Life. Nous avons écouté Ringo Starr avec It's Not Love That You Want, George Harrison avec Sue Me, Sue You Blues, Lennon a chanté Cripple Inside, j'espère que vous avez noté la différence du solo de guitare, et à l'instant, McCartney, Bebop. Sachez que c'est donc Ringo Starr qui est à la fête aujourd'hui dans son album de la semaine qui s'appelle What's Your Name, sorti en 2019. On va revenir à Ringo Starr dans quelques instants, mais juste avant, nous avons droit à une autre chanson des Beatles. Et puisqu'on parle des Beatles, il faut parler de Lovely Rita. Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez, comme moi, tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, les tournées de Paul, celles de Ringo, eh bien, allez vous renseigner sur BeatlesMagazineUK.com. Vous y retrouverez toutes les infos, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et même une petite rubrique géniale sur laquelle il y a ce que, en tout cas, Lovely Rita connaît, les animateurs radio qui font des émissions dans le monde sur les Beatles. Et nous y sommes à la saga des Fab Four. Donc, allez vous renseigner sur Facebook, sur Google, sur Twitter et sur d'autres plateformes. BeatlesMagazineUK.com, c'est tous les jours et c'est drôlement bien. Merci, Lovely Rita. Cette chanson a 54 ans et je suis sûr que comme moi, vous avez tous fait les chœurs, quoi. C'est tellement beau. C'était Here, There and Everywhere en 1966 sur l'album Revolver, les Beatles, forcément. On revient à l'album de la semaine. Le batteur souhaite remercier Dieu pour la musique qui lui a permis de vivre une vie d'exception. Avec Sam Hollander, il crée Thank God for Music. Dans sa quête perpétuelle de positivité, il propose avec Gary Burr Life is Good, la vie est belle, et avec Richard Page et Warren Ham au cœur. L'ami Dave Stewart apporte sa contribution qui, pour une fois, ne fait pas référence à Liverpool. It's not love that you want. C'est une belle réussite pop, on l'a écouté en première chanson. Steve Lutaker collabore à nouveau avec Starkey et le résultat Magic, c'est la chanson qu'on va entendre, est à la hauteur de leur espérance. Sam Hollander est un songwriter chevronné qui a œuvré avec Carole King, avec Katy Perry, Joe Cocker, Tom Jones et le groupe Good Charlotte. Avec Better Days, il signe un rock flamboyant, sublimé par la guitare de Pete Mean et les chœurs de Zelma Davis et Garen Gayikian. Pardon si je prononce mal son nom. Ce nouveau disque se devait de comporter un autre hymne à la paix. Il est signé avec Gary Nicholson et s'intitule « Send Love, Spread Peace ». Voilà ce qu'on pouvait dire sur la suite de cet album-là, que je tire de Ringo Starr, le survivant, que je vous conseille d'acheter. C'est un excellent bouquin dont l'auteur s'appelle Dominique Grandfils. Voici Magic, sur RIG, bien entendu, dans la saga des Fab Four, pour vous en confiner. Work it out and get it straight.

52 ans entre les deux chansons We Can Work It Out et à l'instant I Don't Know sur le dernier album en date de Paul McCartney, l'album Egypt Station, sorti en 2018. Mais attention, Paul McCartney arrive avec un nouvel album qui s'appelle McCartney 3, qui va sortir le 11 décembre. Alors serons-nous encore confinés ou pas, je ne sais pas. En tout cas, dès que je peux vous le faire entendre, il sera évidemment l'album de la semaine dans la saga des Fab Four. Et chapeau à McCartney parce que rester au niveau de la création à ce point-là pendant plus de 50 ans, c'est absolument génial. Mais ce mec s'amuse, ce mec a 16 ans dans sa tête, c'est fou. Je me pose la question. Why don't we do it in the road? La saga des Fab Four sur la radio des Beatles. À consommer sans modération. Why don't we do it in the road? When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. You ain't no C'est bien Ringo Starr qui dit « I've got blisters on my fingers », la preuve, en 1998. At the end of Helter Skelter, is it you or John that says they have blisters on their fingers? It was me. I got blisters on my fingers! Voilà, c'est tout. C'était juste pour vous montrer qu'il y a eu une controverse. On pensait que c'était John Lennon qui avait mal aux doigts. Et non, c'était Monsieur Ringo Starr. Je vous en ai parlé tout à l'heure, puisqu'on revient à l'album de la semaine, qui est l'album What's My Name de Ringo Starr en 2019. Il a eu tort, Ringo, d'utiliser Auto-Tune, parce qu'il peut se permettre, lui, contrairement à beaucoup de chanteurs récents, de ne pas utiliser ça. Et en plus, il a eu l'audace, est-ce qu'on peut appeler ça une audace, de le faire sur un classique, Money, That's What I Want. Je vous le fais entendre, mais c'est pas avec plaisir. Them for the birds and bees. Now give me money. That's what I want. That's what I want. That's what I want. Your loving gives me a thrill, but your loving don't pay my bills. Now give me money. Don't get, I can use. Now give me money. That's what I want. Give me money. That's what I want. Jimmy Lord, la complainte de George Harrison en 1970 sur son album All Things Must Pass. Vous êtes en train d'écouter en podcast la saga des Fab Four numéro 472, c'est pour confiner. Habituellement, c'est sur RIG 90.7 pour la FM, ce qui la capte aux alentours de Bordeaux, et www.rigfm.fr pour le reste du monde. Vous le savez si vous êtes en train d'écouter cette émission en podcast, que cette émission a été créée en 1984 par moi, oui, et qu'on aborde la 37e année déjà, dans très peu de temps, on est dessus, puisque dès 2021, voilà, on pourra dire, parce que je ne me souviens plus franchement quand j'ai créé cette émission, à quel moment, quel mois, quel jour, je ne sais plus, je sais que c'était en 1984. Eh bien, on va continuer quand même avec les Beatles et Magical Mystery Tour, plus un autre classique, juste tout de suite après. For well you know that it's a fool who plays

le morceau qu'il faut entendre en concert, parce que lorsqu'on est à Bercy, par exemple, quand il y a je ne sais plus combien de milliers de personnes, tous en chœur, en chantant « nanananana », etc., c'est un grand, grand, grand moment de... c'est pas religieux, mais on est tous ensemble, de communion. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il y a un petit côté religieux peut-être dedans. Mais un grand moment de communion ensemble, c'est absolument génial. Deux, trois choses sur cette chanson « Hey Jude ». D'abord, lorsque Paul McCartney écrit une chanson, la plupart du temps, alors quelquefois la musique lui vient d'abord, quelquefois ce sont les mots, quelquefois les deux viennent ensemble, mais souvent, il met des mots provisoires. Je fais référence par exemple à Yesterday, qui avait commencé par « Scrambled eggs, oh my baby, how I love your legs ». Donc « œufs brouillés, oh ma chérie, combien j'aime tes jambes ». C'est devenu complètement autre chose, et tant mieux. Eh bien, pour cette chanson « Hey Jude », à un moment donné, lorsqu'il a présenté la chanson à John Lennon, par exemple, il a dit « The movement you need is on your shoulder ». Je corrigerai ça. J'ai mis ça comme ça. Et John Lennon, peut-être un petit peu avec de la fumette ou je ne sais pas quoi, a dit « Non, non, je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Garde ça, garde ça. » Et il l'a gardé. Et l'autre anecdote au sujet de cette chanson-là, c'est McCartney aurait demandé au technicien « Combien de temps on peut mettre sur un 45 tours maximum ?» On lui a répondu « 7 minutes et quelques ». Eh bien, il a fait durer la chanson, 7 minutes et quelques, juste histoire de remplir le 45 tours par pur plaisir d'être capable de le faire. Et c'est aussi, je pense, la seule chanson dont la moitié de la chanson consiste en « nanananananana, hey Jude ». Et ça, pour faire un tube avec ça, eh bien, c'est absolument fabuleux. Voici John Lennon sur l'album Acoustic en 2004. Il y a un effet de phasing sur la chanson qui la rend encore plus agréable. Voici Working Class Hero, sur RIG, bien sûr, dans la saga des Fab Four, en confiné, enregistré à la maison. Ça, c'est la réalité. Where is it? I just wanted you to go on A&R, yes. Okay, I'll try it, okay? As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow the rules. Working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. So clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. top, they are telling you still. But first you must learn how to smile when you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. Hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me. La chanson à l'origine date de 1970 et John Lennon avait dit: ce n'est pas parce que je chante juste avec une guitare sèche que je copie Dylan. Parce que c'est vrai qu'on pense à Bob Dylan dans cette façon de chanter, dans le thème abordé, etc. Mais non, mais voilà, bon, c'est comme ça. Allez, retour à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est What's My Name de Ringo Starr, sorti en 2019. Voici un nouveau titre, Better Days. Toujours positif, Ringo Starr. Quick right now, make it last for one more go round. Hold on, even though the names will change. Some of us made it to the other side, others didn't, and who knows why. For those who've gone us, we still remain. Better days about to come, better days about to come. Better days, old child, they're gonna blow your mind. Better days about to come, feeling beating like a drum. So you better grab the tighter hold. Last for one more go round. Hold on before the curtain falls. Survive those nights at the troubadour. Rainbow seems a life ago. Packed up Monte Carlo, sold it all. Yes, I do. Better days about to come. Better days about to come. Better days, old child, they're gonna blow your mind. Better days about to come. Feeling beating like a drum. So you better grab a tighter hold. J'allais dire revenons à l'album de la semaine, c'est fait, c'était Better Days. Mais voici le temps de la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George, que ce soit avec les Beatles ou en solo, pourquoi pas aussi. Et même si eux-mêmes, à l'époque ou à n'importe quel moment de leur vie, faisaient la reprise d'une chanson, la cover donc d'une chanson. Cette cover peut être faite par quelqu'un de connu ou pas. Ça peut très bien être vous aussi. Celle que j'ai choisie aujourd'hui, c'est When I'm 64 par John Pizzarelli. Ça donne envie d'une pizza, surtout à l'heure où j'enregistre cette saga. Et c'est extrait de l'album John Pizzarelli Meets the Beatles. C'est un truc, c'est un album, le gars est dans le jazz et c'est plutôt très très sympa. Écoutez sa version, sympa je trouve, de When I'm 64. Got all the lilacs and old Rowden shoe. Here we go. da da da da. One, two, a one, two, three, four. Losing my hair many years from now, will you still be sending me a valentine, birthday greetings, bottle of wine? If I've been out till 2:45, or would you lock the door? Will you still need me, will you still feed me when I'm 64? I could be handy in mending a fuse, or when your lights have gone, you can hit a sweater by the fireside. Sunday morning, go for a ride. Doing the garden, digging the weeds, who could ask for more? Or will you still need me, will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight, if it's not too dear. We shall scrimp and save. Postcard, drop me a line stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, fill in a form, mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me? Dressing to pay me, or silver and gray me? When you fall stoop me, gin and vermouth me. When I get to be 64. Nouvelle rubrique de la saga des Fab Four de cette année, celle dans laquelle je peux soit mettre en scène un fils de John Lennon, de Paul McCartney, de qui on veut, George Harrison bien entendu, Zach Starkey ça va être plus dur parce que je ne crois pas qu'il chante, il est batteur, mais bref, ou alors carrément un artiste de la scène bordelaise qui reprend les Beatles ou pas, ou qui chante un peu comme les Beatles, ça m'est arrivé déjà. Et bien là, je vous propose de parler de livres, parce que comme on est en confiné, je pense que c'est certainement le meilleur moment. Vous avez d'abord un livre qui vient de paraître aux éditions Camion Blanc, c'est Ringo Starr, Le Survivant, de Dominique Grandfils. Je vous conseille la lecture de cet ouvrage parce qu'il est absolument fabuleux. Toujours de Dominique Grandfils, mais pas que, il y a Number 9, hommage à John Lennon, sorti aux éditions AO. Ils se sont mis à quatre pour faire cet ouvrage. Il y a Dominique Grandfils, je l'ai dit, Claude Defer, Pierre Espourtel et Jean-Luc Taffaro. Et c'est un livre excellent que j'ai aussi acheté. Eh oui, j'achète tout ça. Est-ce que j'en ai un autre à vous proposer ? Oui, j'en ai un. C'est Jean-Louis Pollard qui a fait cet ouvrage-là. Ce sont les Beatles, Get Back to Their Roots. On parle des Beatles, mais des racines musicales de John, Paul, Ringo et George. Un livre extrêmement intéressant. Voilà, je crois qu'on a fait le tour aussi. Pour vous dire aussi que, hors livre, mais d'un point de vue disque, il y a aussi le disque de McCartney qui sortira le 11 décembre, Paul McCartney 3, l'édition qui clôturera, je suppose, le triptyque McCartney en 1970 lorsqu'il quitte les Beatles, McCartney 2 en 1980 lorsqu'il quitte les Wings, et McCartney 3 en 2020, non pas lorsqu'il quitte McCartney, puisque c'est toujours lui, mais il a été confiné et, comme dans les deux disques précédents, il a fait quasiment toutes les chansons tout seul, toutes les instrumentations, etc. Ça risque d'être absolument passionnant. Vivement le 11 décembre, qu'on soit confiné ou pas. De toute façon, vous le savez bien, dès qu'on aura l'occasion de vous faire entendre un titre, ce sera fait dans la saga des Fab Four. Et puis, je remercie Ringo Starr de me servir en fond avec cet instrumental qui date de 1983, qui s'appelle Going Down. Je vous le laisse jusqu'à la fin. La saga des Fab Four, c'est tous les mercredis de 20h à 22h, normalement sur RIG 90.7 www.rigfm.fr. Pour l'instant, jusqu'à la fin du confinement, c'est enregistré à la maison et c'est proposé directement en podcast. Tous les mercredis de 20h à 22h sur rigfm.fr. Et c'est avec... Avec Kiki. C'est extrait du film Imagine, sorti en 1988, extrait de la bande originale du film. C'est étonnant qu'il n'ait pas utilisé ce morceau-là comme base pour Real Love, parce que la voix quand même de John Lennon est bien plus claire, il me semble. Bon, écoutez, c'est comme ça, on refait pas l'histoire. Revenons à l'album de la semaine, et voici Ringo Starr qui remercie Dieu carrément pour la musique, parce que sans la musique, qu'aurait-il fait ? Merci, en tout cas, bah oui, si on veut. Enfin, il est très, très, très positif, je le dis toujours, Ringo Starr. Cet extrait de son album What's My Name, le dernier album en date. La saga des Fab Four, c'est sur Érigé en temps normal. Actuellement, c'est en confiné. Scared. Fabulous Four Saga, right here on your radio, with Thierry Gallet. We'll be right back. Je serais tenté de dire deux salles, deux ambiances, mais c'est pas la même époque. D'abord, en 1974, Scared par John Lennon sur l'album Walls and Bridges. Et puis à l'instant, 39 ans plus tard, en 2013, la chanson, la très bonne chanson de Paul McCartney qui s'appelle Road, que j'aurais peut-être pu mettre avec Electric Arguments en 2008. Je trouve que le style, il ressemble pas mal. Mais c'est une très très bonne chanson, extrait d'un très bon album New. Les deux derniers albums de McCartney sont vraiment fabuleux. Je les aime énormément. Bon, j'aime les autres aussi, hein. Mais là, quand même, c'est drôlement bien. Il vieillit bien, McCartney. We'll be right back. Saga des Fab Four tous les mercredis de 20h à 22h sur erigfm.fr. Et c'est avec... Avec Kiki. Non. Your boy been nothing to do, it's up to you. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning. Yeah. Going to work, don't wanna go, feeling low down. Heading for home, you start to roam, then you're in town. Everybody knows there's nothing doing, everything is closed, it's like a ruin. Everyone you see is half asleep, and you're on your own, you're in the street. After a while you start to smile, now you feel cool. Then you decide to take a walk by the old school. Nothing has changed, it's still the same. I've got nothing to say, but it's okay. It's time for tea and meet the wife. Somebody needs to know the time, glad that I'm here. Watching the skirt, you start to flirt, now you're in gear. Go to a show, you hope she goes. I've got nothing to say, but it's okay. D'accord, je vous ai fait une petite vacherie en vous faisant croire que l'émission était terminée, mais regardez l'heure, il n'est pas encore 22h, donc on a encore un petit peu de temps avant Eric et son émission qui s'appelle Johnny de A à Z, qui sera aussi, alors pas enregistré, lui c'est en direct depuis chez lui, sur Facebook Live, j'ai du mal à le dire. Là c'est un enregistré, et voici le dernier extrait de la saga des Fab Four, enfin en tout cas de l'album de la semaine de la saga des Fab Four, voici What's My Name, Ringo Starr.

Voilà, c'est fini. Ça manque hein, le sur la fin du long one de Love You, Love You, Love You, etc. Dommage, ils auraient pu le rajouter, ça aurait été bien. Enfin, cette 472e série de la saga des Fab Four en mode confiné est terminée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour les mêmes raisons, aux mêmes heures, toujours en podcast, puisque pour l'instant, c'est le mode confiné qui convient. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et puis à très très bientôt. Salut, ciao! Dans 1 minute 47, vous pourrez tout arrêter et faire ce que vous voulez, c'est promis. No!